La question du travail des femmes est bien complexe, on le voit. Ce qui semble nécessaire avant tout, c'est de multiplier pour la femme le nombre des professions sédentaires. Les 1000 variétés de travaux à l'aiguille, si mal rétribués et dont il faudrait augmenter le salaire. Les arts professionnels permettent à la femme de concilier ses devoirs domestiques avec le besoin de gagner sa vie. Cette faculté existe aussi pour la maîtresse de pension, pour la directrice de cours, pour toute femme professeur qui reçoit ses élèves chez elle. Et à ce sujet, qu'il nous soit permis de regretter que les cours publics d'enseignement secondaire aient fait à l'enseignement libre une concurrence qui le paralyse et qui enlève ainsi à la femme l'une des rares professions qu'elle pouvait exercer à son foyer. Autrefois, un brevet d'enseignement était pour elle une ressource. L'usage de faire passer des examens aux jeunes filles est devenu général, mais en même temps que ce brevet, instrument de travail pour beaucoup, était répandu à profusion. La création des cours publics d'enseignement rendait souvent cet outil improductif. Si la femme a perdu sur le terrain de l'enseignement libre, il faut reconnaître que d'autres professions sédentaires lui ont été largement ouvertes. Les bureaux de poste, de télégraphie, de timbre et de tabac comptent nombre de femmes parmi leurs titulaires. Les femmes remplissent encore d'autres fonctions publiques. Malheureusement, elles ne peuvent s'en acquitter à leur foyer. Ce sont les fonctions d'inspectrice. Les écoles et les pensionnats de filles, les établissements pénitentiaires de jeunes détenus, les écoles de réforme ne peuvent cependant être inspectées que par des femmes. Mais si restreint est le nombre des inspectrices, que bien peu de femmes sont exposées à sacrifier à cette mission leur sollicitude domestique. En général, ces fonctions me paraissent surtout devoir être exercées par des femmes non mariées et encore par des femmes mariées, qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus à veiller sur leur éducation. Voici que nous abordons une question bien délicate. La femme peut-elle être médecin? Certes, la pudeur exigerait que dans leur maladie, les femmes fussent soignées par une de leurs sœurs. Mais la femme médecin ne sera-t-elle pas dominée par l'impressionnabilité nerveuse? Aura-t-elle cette sûreté de coup d'œil d'où dépend souvent la vie de celui qui souffre? La femme est une admirable garde-malade, alors qu'il ne s'agit pour elle que d'exécuter les ordonnances du médecin. Mais saura-t-elle toujours les prescrire elle-même? J'admets cependant qu'elle se maîtrise assez pour dompter ses impressions et pour bien diagnostiquer une maladie. Je veux bien que sa carrière soit sans danger pour la vie physique de ses malades, mais cette carrière sera-t-elle sans danger pour sa propre vie morale? Sur les bancs de l'école ou dans l'amphithéâtre, n'aura-t-elle rien à craindre du contact des étudiants? Je suppose enfin que par une faveur spéciale de la Providence, sa vertu sorte triomphante de cette épreuve. La jeune fille est reçue docteur en médecine. Elle se marie, elle devient mère. Désertera-t-elle le berceau de ses enfants pour répondre jour et nuit à l'appel des malades qui la demandent? Mais son premier devoir est de veiller sur ses enfants. Oui, je désirerais qu'il y eût parmi les femmes des médecins comme il y a des sœurs de charité. Mais alors, comme les sœurs de charité, qu'elles soient formées par un institut spécial, qu'elles ne se marient pas et que, sans blesser les lois de la famille, elles se dévouent à l'humanité souffrante. Quelle est la part de la femme dans les œuvres de l'intelligence et dans quelle mesure la femme peut-elle s'adonner aux lettres et aux arts? J'ai nommé les arts professionnels parmi les travaux qui peuvent occuper la femme à son foyer. L'art lui-même, l'art dans son expression la plus élevée, se conciliera aussi avec les devoirs domestiques, si la femme n'oublie pas pour l'idéal la vie réelle. Dès l'Antiquité grecque, l'art a eu ses ferventes prêtresses. Dans notre pays, comme partout et toujours d'ailleurs, c'est généralement comme inspiratrice que la femme a influé sur les destinées de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. Il est juste de rappeler ici que c'est surtout notre art national que les femmes de France ont encouragé. Elles-mêmes ont donné à cet art, sinon des pages immortelles, du moins des œuvres distinguées, qui ont mérité l'honneur de figurer au Louvre. J'aime à redire que les femmes qui ont laissé un nom dans la peinture française étaient presque toutes filles, sœurs, épouses d'artistes. C'est au foyer domestique qu'elles avaient pris leurs leçons. Cette tradition ne s'est pas perdue, et la plus illustre des femmes artistes l'a continuée de nos jours. Si de l'art nous passons aux lettres, nous exprimerons, ici encore, le veut que la femme ne s'y livre qu'avec prudence. Je suis loin de méconnaître la part qu'a eue la femme dans la littérature depuis l'Antiquité la plus reculée. Des femmes comptent parmi les poètes sacrés dont l'Esprit Saint a inspiré le génie et dont la Bible nous a conservé les accents. Chez les peuples païens, les Indiens, les Grecs, les Romains, les Germains adorent dans des personnifications féminines les divinités de l'intelligence. Les Indiens comptent des femmes parmi les auteurs de leur plus ancien livre sacré, les Védas. Les Grecs ont leurs 9 muses terrestres. Ils ont aussi dans leur pythagoricienne les apôtres d'une doctrine élevée, spiritualiste encore au milieu des erreurs de la métempsychose. Chez les Romains, la femme fait vibrer la voix du poète et chante elle-même. Chez les Gallo-Romains, d'humbles religieuses copient dans le cilantre du cloître les antiques manuscrits. Et à travers les ténèbres produites par les invasions, elles contribuent ainsi à garder le flambeau civilisateur, auquel l'Évangile a donné une plus pure lumière. Les femmes des envahisseurs apportent à la Gaule une autre tradition intellectuelle, la farouche tradition des chants du Nord. Lorsque la langue léguée par Rome à la Gaule est devenue l'interprète du rude génie des Germains, la femme du Moyen-Âge inspire les mâles accents du Trouvère, mais malheureusement aussi la sensuelle poésie du troubadour. Poète elle-même, et prosatrice aussi, elle dote de fleurs et de fruits une terre inculte, mais féconde. En éclairant à la lumière de sa conscience la chronique historique, Christine de Pizan fait apparaître pour la première fois dans une œuvre française encore bien informe la philosophie de l'histoire. Le premier livre français que l'on peut lire sans dictionnaire est dû à une femme, Marguerite d'Angoulême. Les femmes qui ont largement participé au mouvement intellectuel de la Renaissance contribuent puissamment, par leurs œuvres ou par leurs conversations, à enrichir la langue du XVIe siècle, à épurer celle du XVIIe. Elles exercent leur influence sur le génie de nos grands écrivains, les Corneille, les Racine, les La Fontaine. Avec Madame de Sévigné, enfin, la femme prend rang parmi nos meilleurs auteurs classiques. Et ce n'est pas seulement la langue française qui est redevable à Marguerite d'Angoulême, à Madame de Sévigné, à tant d'autres femmes qui n'écrivirent pas, mais qui surent bien parler. C'est l'esprit français lui-même qui se mire dans les œuvres des unes, dans la causerie des autres. À la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe, une autre femme personnifie l'esprit français. L'esprit français fidèle à ses traditions spiritualistes dont les femmes de notre pays savent être les gardiennes. L'esprit français qui, dans son vol élevé, rapide, ne se borne plus à planer sur notre patrie, mais qui, étendant ses ailes sur le domaine de l'étranger, saisit entre ses serres puissantes tout ce qu'il peut s'assimiler. J'ai tenu à indiquer le sillon lumineux que la femme a laissé dans les lettres, et particulièrement dans les lettres françaises. Mais qu'il me soit permis de répandre cette esquisse à un autre point de vue, la destinée même de la femme. Ces femmes qui ont exercé dans la littérature une action civilisatrice, ces femmes ont-elles su être les femmes du foyer? Oui, beaucoup d'entre elles. Et ce sont celles qui m'intéressent le plus. Que Sappho ait dû sa gloire aux strophes qui ont gardé à travers les siècles la brûlante empreinte d'une passion criminelle, je le déplore. Mais ce n'est pas elle que je cherche dans le groupe des 9 muses terrestres de la Grèce. C'est Térine, la vierge modeste qui célèbre sa quenouille. Ce que je cherche encore dans les lettres helléniques, ce sont les pages dont on a reporté l'honneur aux pythagoriciennes, et qui, tout apocryphes qu'elles puissent être, contiennent des réflexions si justes et si profondes sur les attributions respectives de l'homme et de la femme, sur les devoirs domestiques de celle-ci, sur les lumières que l'instruction lui donne pour mieux remplir sa mission. Chez les Romains, ce qui me charme, ce n'est ni la Lesbie de Catulle, ni la Cynthie de Properce, ni la Corinne d'Ovide, ni la Délie de Tibulle, ces trop séduisantes inspiratrices de l'amour païen. Mais je m'arrête avec émotion devant le groupe sévère et charmant des femmes que j'ai nommées les muses du foyer. Rentrons dans notre pays. J'ai tout à l'heure appelé le nom de Christine de Pizan. Quel que soit le service qu'elle ait rendu aux sciences historiques, ce qui m'attire surtout à elle, ce sont les conseils domestiques qu'elle donne aux femmes pour toutes les situations de la vie et dont sa propre existence leur offrait l'application. Quelles sont les œuvres de Marguerite d'Angoulême qui nous attachent le plus à elle? Je l'ai dit, ce n'est pas la plus parfaite de ses œuvres littéraires, les Contes de la Reine de Navarre. Non, mais ce sont les poésies et les lettres qui nous montrent dans le charmant et spirituel écrivain la tendre sœur de François Ier. Et dans ce même siècle, qu'est-ce qui a résonné le plus doucement à notre oreille? Est-ce la lyre passionnée d'une Louise Labbé, ou les accents si purs et si voilés de ces femmes, qui, elles aussi, pourraient être nommées les muses du foyer? Qu'est-ce qui a fait de Madame de Sévigné un grand écrivain, sans qu'elle s'en doutât? L'amour maternel. Si une union mal assortie fait vibrer dans le génie de Madame de Staël les regrets du bonheur domestique, c'est du moins aux premières tendresses du foyer, à l'amour filial que nous devons quelques-unes de ses pages les plus éloquentes. De nos jours, une femme s'est élevée, merveilleux écrivain qui demeurera parmi les maîtres de la langue. Malheureusement, elle s'était mise en dehors des lois sociales, et elle voulut, comme son maître, Rousseau, ériger en système les erreurs de sa vie. Pour assurer sa conscience, elle ne vit dans les lois, dans les mœurs, dans la religion, que des préjugés. Tout ce qu'il y avait en elle de force, génie, passion, magie du style, elle employa tout pour saper les bases éternelles sur lesquelles repose la famille. J'aurai à signaler bientôt l'influence délétère qu'elle exerça sur ses contemporaines. C'est par le roman que cette femme célèbre a exprimé ses doctrines sociales ou antisociales. C'est par le roman qu'elle les a propagées. Lorsqu'elle a voulu les transporter sur la scène, elle y a heureusement moins réussi. Les personnages qui ne sont que des théories ambulantes ne peuvent intéresser au théâtre. Dans ces dangereux romans, il y a une tonalité fausse qui décèle que la femme qui les a écrits se sent elle-même hors du vrai. Mais écoute-t-elle son cœur et sa conscience, parle-t-elle en honnête femme? Alors son génie s'élève à la plus grande hauteur. C'est par ses romans champêtres qu'elle a vraiment conquis l'immortalité. C'est dans ses délicieuses églogues, ou peintres admirables de la nature, elle nous fait respirer, avec les senteurs basalmiques, des bois et des champs, le parfum de la vie domestique et rurale. Aucun nom contemporain ne devant figurer dans ce chapitre, je me suis borné à désigner par le caractère de ses œuvres la femme qui a tenu une si grande place dans notre siècle. Elle y a fait école parmi les femmes, et malheureusement l'auteur des romans à thèse sociale a eu particulièrement cette influence. Mais à côté des femmes qui ont cherché le succès littéraire, en ébranlant les bases de la famille, d'autres défendent les traditions domestiques, et abritant leur vie à l'ombre du foyer, elles ne livrent que leurs œuvres à la publicité, soit dans la poésie, soit dans les études morales, soit dans les ouvrages destinés à la jeunesse, plus d'une s'est fait un nom. C'est ainsi qu'à travers les âges s'est perpétuée la tradition romaine des muses du foyer. Mais alors même que la femme demeure fidèle à ce dernier type, faut-il encourager chez elle le travail littéraire? Oui, si n'écrivant que pour remplir une mission moralisatrice, elle s'est toujours placée au-dessus de ses labeurs intellectuels, ses sollicitudes domestiques. Il ne suffit pas qu'elle reste à son foyer. Il faut qu'elle y remplisse tous ses devoirs. Pour la femme même non mariée, mais qui a à remplir une mission filiale ou fraternelle, c'est déjà bien difficile. Mais pour l'épouse, surtout pour la mère de famille, c'est le plus souvent presque impossible. Que la femme y réfléchisse, qu'elle est toujours présente à la pensée, ce douloureux aveu échappé à la plus illustre des femmes auteurs. Pour une femme, la gloire ne saurait être que le deuil éclatant du bonheur. Pour son repos, il vaudrait mieux que la femme pût ne remplir dans les lettres et dans les arts que le doux rôle d'inspiratrice. De grands poètes français de notre siècle ont senti cette influence qui a plané sur leur berceau, sous les traits d'une mère chérie. Deux des poètes particulièrement fidèles aux traditions spiritualistes ont été, suivant la remarque d'une jeune et célèbre hindoue, profondément redevables de la direction de leurs esprits à leur mère, femme de prière, d'une haute intelligence et faisant abnégation d'elle-même. Heureuse la mère qui a pu dire en se mirant dans les œuvres de son fils « Il y a précisément ce que je pense. Il est ma voix car je sens bien les belles choses, mais je suis muette quand je veux les dire même à Dieu. J'ai quand je médite comme un grand foyer bien ardent dans le cœur, dont la flamme ne sort pas. Mais Dieu qui m'écoute n'a pas besoin de mes paroles. Je le remercie de les avoir données à mon fils. » Nous avons rappelé qu'autrefois c'était encore par les salons que la femme exerçait une influence délicate sur les êtres et les arts. Mais les salons se perdent de plus en plus. Et ce n'est que dans un très petit nombre de ces foyers intellectuels que se gardent les anciennes traditions de l'esprit français. La femme a abdiqué dans les relations mondaines sa véritable royauté. Nos contemporaines songent souvent plus à briller par les oripeaux de leurs couturières que par les charmes de leur esprit. Isolées des hommes qui, dans les salons, se groupent entre eux, elles posent plus qu'elles ne causent, et à vrai dire, on ne leur demande pas autre chose. Entament-elles une conversation avec leurs voisines ? Rien de plus banal que les propos qui s'échangent, généralement, et qui ont pour objet les chiffons et les plaisirs, quand ce ne sont pas les défauts du prochain. Déshabitués de la causerie des femmes par la vie du cercle, les hommes ont contracté dans leur langage, aussi bien que dans leurs allures, un sans-gêne que plus d'une femme d'ailleurs s'empresse d'imiter. Autrefois, la femme donnait à l'homme sa délicatesse. Aujourd'hui, elle lui prend la liberté de son langage et de ses manières. Monseigneur Dupanloup regrettait la disparition des salons d'autrefois. Nous verrons comment il exhortait les femmes à les faire revivre. Mais pour que la femme pût reprendre l'influence sociale qu'elle exerçait par les salons, il faudrait qu'elle y fût préparée par une éducation meilleure. L'évêque d'Orléans le constatait, il y a aujourd'hui une fièvre de savoir, et il y a aussi un immense besoin de faire passer dans le domaine des fêtes les théories spéculatives. Mais ce besoin est d'autant plus périlleux que le bien et le mal se confondent dans l'ardente fournaise où se refond la société. Ce sont les principes qui manquent. La femme se sent portée d'instinct vers ces principes, mais elle ne les distingue pas toujours nettement. Il faudrait pour cela l'exquis bon sens que Fénelon et Madame de Maintenon formaient dans leurs disciples, et qui, ne le rappelions plus haut avec Monseigneur Dupanloup, pouvait suppléer chez les femmes à l'étendue des connaissances. Mais aujourd'hui que le bon sens ne dirige guère le courant des idées, il faut faire revivre par l'étude cette précieuse faculté. Et par malheur, l'instruction que reçoivent généralement les femmes se prête peu à cette restauration, qui, en leur permettant de remplir leur véritable devoir, les aiderait en même temps à sauver les sociétés modernes. Ainsi que le fait remarquer Monseigneur Dupanloup, ce n'est réellement pas, comme au temps de Fénelon, l'insuffisance des études qui est le vice dominant de l'éducation féminine. C'est plutôt, comme dans l'instruction des hommes, un entassement de connaissances qui, dépourvu de principes supérieurs, obscurcissent l'intelligence au lieu de l'éclairer. Ce qui manque, c'est moins l'étendue des connaissances que la solidité de l'esprit. On orne la mémoire, on néglige le jugement, on enseigne la lettre et non pas l'esprit des choses. Des sons au lieu de musique, des dates au lieu d'histoire, des mots au lieu d'idées. C'est cette éducation-là qui produit des pédantes. Quand leur horizon est borné et qu'elles ne voient rien au-delà, les femmes croient tout savoir, alors qu'elles ignorent tout et ne s'intéressent à rien. Que leur importe, dit M. Le Gouvet, que Tibère a succédé à Auguste et qu'Alexandre soit né 300 ans avant Jésus-Christ. En quoi cela touche-t-il au fond de leur vie? La science n'est un attrait ou un soutien que quand elle se convertit en idée, ou se réalise en action. Car savoir, c'est vivre, ou en d'autres termes, c'est penser et agir. Or, pour atteindre ce but, l'éducation des jeunes filles est trop frivole dans son objet et trop restreinte dans sa durée. Presque jamais l'étude pour les jeunes filles n'a pour fin réelle de perfectionner leur âme. Tout y est disposé en vue de l'opinion des autres. Rien pour la pratique solitaire du travail, c'est-à-dire pour le cœur ou pour la pensée. M. Le Gouvet a dépeint ce que le vide de l'esprit donne à l'imagination de dangereuses puissances, et ce que le dégoût du travail cause de passion pour le plaisir. Comme le moraliste, l'évêque d'Orléans s'effrayait des désordres que peut produire chez la femme une instruction insuffisante. Ces désordres, le ministère des âmes lui permettait de les voir de près, et la préoccupation qu'il en éprouva fut dominante pendant les dernières années de sa vie. Ce n'était pas en vain que dans son discours de réception à l'Académie française, l'illustre prélat, faisant une allusion rapide au devoir de sa charge épiscopale, ajoutait « Le soin d'élever cette jeunesse qui aura été mon premier et mon dernier amour. En effet, si son premier grand ouvrage avait été consacré à l'éducation des hommes, c'est l'éducation des femmes qui lui a inspiré les dernières pages, que revoyait encore sa main déjà glacée par l'agonie, les lettres sur l'éducation des filles. Ce n'était pas pour la première fois que Monseigneur d'Orléans traitait ce sujet. Depuis 1866, il avait souvent abordé cette question. Les conseils aux femmes chrétiennes qui vivent dans le monde, les femmes savantes et femmes studieuses, la controverse sur l'éducation des filles. Toutes ces œuvres offraient déjà le véritable plan d'une éducation qui devait éloigner la femme aussi bien des écueils du pédantisme que des tristes suites de l'ignorance et de l'oisiveté, et qui avait pour idéal ce type généreux et charmant par lequel l'évêque résuma sa controverse sur l'éducation des filles, la femme chrétienne et française. Dans ses lettres sur l'éducation des filles, Monseigneur d'Orléans condensa tout ce que ses précédents travaux, sa longue expérience et le ministère des âmes lui avaient fourni de lumière sur ce vaste sujet. Ce que furent les âmes pour l'évêque d'Orléans, on le sait. Il ne se contentait pas de les disputer au mal, de les guérir, de les sauver. Il ne se contentait même pas de les élever à Dieu sur les ailes de l'amour et de la piété. Mais pour les rendre plus dignes de répondre au surnom Corda, il cherchait à développer en elles tout ce que le Créateur avait départi à chacune d'elles de facultés natives. Il voulait qu'elles pussent réellement concourir au plan divin. De même qu'à la voix du Tout-Puissant, le soleil nous donne tous ses rayons, la fleur tout son parfum, le fruit toute sa saveur, il veillait à ce que l'âme produisît, pour la gloire de Dieu et l'honneur de l'humanité, toutes les richesses que le Créateur lui a confiées et dont le souverain juge lui demandera compte un jour. Comment ce zèle des âmes n'aura-t-il pas inspiré à notre évêque l'amour de la jeunesse, et en particulier l'amour de l'enfant? L'enfant, c'est l'âme fraîchement éclose des mains du Créateur. C'est l'âme qui n'a pas encore souillé la poussière d'ici-bas. C'est l'âme qui s'éveille dans la pureté et dans l'amour. C'est l'âme qui apparaît dans ce doux et naïf sourire que font naître déjà les baisers d'une mère ou d'un père, dans ce candide regard qui n'a pas encore vu le mal et ne sait encore refléter que le ciel. Mais pour notre vénéré prélat, l'enfant, c'est surtout l'âme qu'il faut à tout prix agrandir et élever. C'est le germe divin qu'il faut faire éclore au chaud rayon du soleil de Dieu. La femme, telle que l'a faite l'éducation moderne, a-t-elle toujours vu développer en elle ce germe divin? Toutes ses facultés ont-elles été cultivées selon le plan du Créateur? Vit-elle de la pleine vie de l'âme? Non, nous répond avec une profonde tristesse l'évêque d'Orléans, et il nous prouve que trop souvent, la femme, même bonne et pieuse, n'a qu'une bonté d'instinct et qu'une piété sensitive. C'est que Dieu avait donné à la femme non seulement le cœur, mais l'intelligence qui doit diriger les mouvements de ce cœur. Et c'est cette intelligence négligée, étouffée, ce sont ces riches facultés inassouvies qui remplissent de vagues et malsaines rêveries tant de jeunes imaginations, les dépravent et les pervertissent. En sevrant les jeunes filles d'études sérieuses, on les livre à la frivolité. En leur refusant les ouvrages qui traitent du vrai dans l'histoire, dans la littérature, dans les sciences et les arts, on les livre aux romans qui faussent leur esprit et corrompent leur cœur. Et que deviennent, dit l'évêque, que font alors celles de ces âmes plus généreuses, plus riches, plus fortes, et par là même plus malheureuses, qui sont condamnées à se replier aussi tristement sur elles-mêmes, et à déplorer quelquefois à jamais leur existence perdue, ou du moins appauvrie, affaiblie, sans retour? Elles souffrent, elles gémissent en silence, ou parfois poussent des cris saisissants. Ce fut par l'un de ces cris qu'une jeune femme apprit un jour à l'évêque le secret de cette vague souffrance. C'était une personne pieuse, élevée, très chrétiennement, bien mariée à un homme chrétien comme elle, ayant d'ailleurs tout ce qu'il faut pour être heureuse. « Vous ne l'êtes pas tout à fait, lui dis-je. Mais pourquoi ? Il me manque quelque chose. Quoi ? Ah, il y a dans mon âme trop de facultés étouffées et inutiles, trop de choses qui ne se développent pas et ne servent à rien ni à personne. » Ce mot fut pour moi une révélation. Je reconnus alors le mal dont souffrent bien des âmes, surtout les plus belles et les plus élevées. Ce mal, c'est de ne pas atteindre leur développement légitime, tel que Dieu l'avait préparé et voulu, de ne pas trouver l'équilibre de leurs facultés, tel que Dieu les avait créées, et de ne pas être enfin elles-mêmes, telles que Dieu les avait faites. Dans cette formation incomplète du cœur et de l'esprit, est la cause du mal qui fait souffrir ou pervertit dans la femme la création de Dieu. Comment l'évêque, le pasteur des âmes, n'eût-il pas été ému des cris de détresse que jetaient vers lui ces femmes qui souffraient de leur inaction? Comment n'eût-elle pas gémi de l'apathie, de l'indifférence, de la chute enfin de celles qui n'avaient plus la force de lutter contre l'inutilité de leur vie? Aussi, devant ce douloureux spectacle, combien le froissent les railleries que décochent aux femmes instruites le comte Joseph de Maistre, avec tous les hommes qui, croyant s'inspirer ici de Molière, n'ont pas établi, comme celui-ci, une distinction nécessaire entre les femmes savantes et les femmes studieuses, et ne se sont pas aperçus que c'est précisément l'instruction véritable qui préserve du pédantisme. M. de Maistre dit que la femme doit se borner à faire le bonheur de son mari et l'éducation de ses enfants. Mais comme le lui répond l'évêque d'Orléans, c'est justement pour cela qu'il faut des femmes fortes. Et les exemples de l'Écriture sainte nous démontrent que les filles du peuple élues recevaient une culture intellectuelle, qui en faisait d'admirables épouses et des mères vraiment éducatrices. Et si la jeune fille renonce au mariage, soit pour se consacrer à Dieu, soit pour se dévouer à sa famille, la valeur individuelle que le christianisme a donnée à la femme exige le développement de toutes ses facultés morales et intellectuelles. L'Église l'a toujours compris, comme nous le rappelle par d'éclatants exemples Mgr Dupanloup. « La femme n'existe-t-elle donc point par elle-même ? » dit M. Legouvé. « N'est-elle fille de Dieu que si elle est compagne de l'homme ? N'a-t-elle pas une âme distincte de la nôtre, immortelle comme la nôtre, tenant comme la nôtre à l'infini par la perfectibilité ? La responsabilité de ses fautes et le mérite de ses vertus ne lui appartiennent-ils pas ? Au-dessus de ses titres d'épouse et de mère, titres transitoires, accidentels, que la mort brise, que l'absence suspend et qui appartiennent aux unes et qui n'appartiennent pas aux autres, il est pour les femmes un titre éternel et inaliénable qui domine et précède tout, c'est celui de créature humaine. Eh bien, comme elle, elle a le droit au développement le plus complet de son esprit et de son cœur. Loin de nous ces vaines objections, tirées de nos lois d'un jour, c'est au nom de l'éternité que vous lui donnez la lumière. »